Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle avec Émilie Gauthier dans sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Il y aura aussi les nouveautés CD aujourd'hui et ça commence tout de suite à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à une autre édition d'Assemblage requis. Ça, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Ben oui, et toi? Ben oui. Ah, mais quelle belle émission qu'on a aujourd'hui pour les gens là qui nous écoutent. Ben oui, aujourd'hui, étant donné que c'est mardi, c'est la journée des sorties CD. Donc, on va faire, dans quelques minutes, on va faire un petit survol de ce qui a le plus retenu mon attention. Et aussi, comme c'est mardi, on reçoit la visite de Émilie Gauthier. Qui va venir nous parler de quoi au juste aujourd'hui dans sa chronique plein air? De plein de sujets, entre autres de la patinoire de l'AGE, il y a aussi les nuits polaires, un sentier de patinage, et elle va nous donner, comme elle le fait souvent, un conseil de vendeuse dans un magasin de plein air. Ah, parfait. Ça va être très bon, ça c'est vers la fin de l'émission, mais d'ici là, il va y avoir plein d'autres bonnes choses, dont de la musique, et c'est avec ça qu'on va commencer aujourd'hui, ça tombe-tu pas bien ça? Oui, on va aller écouter une nouvelle pièce, je crois qu'on n'a jamais entendu ici de Tegan and Sarah, qui est sur leur dernier album. Sainthood. Donc la pièce s'appelle Arrow. Assemblage requis. Au 89.1 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. Show weight on me. of lovers come and go. And I ask if it makes her sad. Says, son, you've got so much to learn. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts a crust off sandwiches, and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We do the dishes, then she says it's time for bed. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. We ate ice cream last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is a drink I drink to thee. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. La formation montréalaise Colorado et la pièce Juliette, c'est une position du palmarès anglophone qui est diffusée en passant demain entre 13h et 15h. Alors soyez à l'écoute parce que moi, Mark Lop, m'a animé ça. Hein? M'a animé ça. On va être là, Mathieu. Hey, t'as l'air de vouloir être là. Pas mal. Oui. Oui. Ben, non, mais quand je dis on va être là, je veux pas dire physiquement. T'avais compris. Oui, oui. Parce qu'en même temps, tous les gens aussi à qui tu t'adresses ne seront pas là physiquement demain, là, avec toi, dans le studio. L'émission n'est pas tournée devant public? Ah, ce serait pas pire. Des rires en canne. De la place en masse, d'abord, ici, de toute façon, pour un large public. Oui, oui, un gros... au moins une rangée. Oui. Au moins, vous êtes proche de moi, vous allez pouvoir m'admirer de mon physique. Ah-ha! Mm-hmm. Autre chose à dire, toi? Non, toi? Non, parce qu'à date, ça tourne pas mal en rond, hein, finalement. Mm-hmm. Ouais. Donc, parlant de tourner en rond, on va aller quoi? C'est une position du Kamasutra, ça, tourner en rond, hein? Parlant de tourner en rond, on va aller écouter un autre record. Sur un vinyle, dans le tourne-disque. Voici Sexy Delic de Flat. C'est séduisant. Rawr! Infernal, à la fin du cycle, tu seras. l'assemblage requis jusqu'à 17h. We'll be right back. should explain. It's a tired refrain. Noise maker, calling me out. Nobody sure what you're shouting about. You get ahead. Turn it gold into lead. Two Hours Traffic avec la pièce Noisemaker qu'on vient d'entendre. C'est un extrait ça du palmarès anglophone de C'est fou. Ça descend énormément dans le palmarès en ce moment, ça. C'est sur sa fin, je pense. Donc, probablement la dernière fois qu'on l'entend. Non! Nous, on aime ça, continuer de jouer des affaires, même quand c'est plus dans le palmarès. Hein? Ben oui. Ben oui. Évidemment. Donc voilà, cet extrait du palmarès de Two Hours Traffic sert un peu d'introduction. À la chronique sur les nouveautés CD qu'on va commencer tout de suite. En fait, on va commencer avec un groupe dont on n'entendra pas d'extrait. Et c'est un peu le lien avec Two Hours Traffic parce que c'est un groupe qui a souvent joué avec Two Hours Traffic. Le groupe Post Data, qui est un duo en fait acoustique qui vient de la Nouvelle-Écosse, tout comme Two Hours Traffic. Et c'est ça, ils sortent un album homonyme aujourd'hui, ou éponyme, j'en sais trop rien. Qui porte le même nom que le groupe. Exactement. Donc, l'album Post Data du groupe Post Data qui est disponible aujourd'hui. Donc, c'est très, très acoustique. C'est assez dépouillé comme musique. C'est souvent seulement voix-guitare. C'est quand même de la bonne musique acoustique, très, très relax. Je vous suggère, si vous voulez en entendre un extrait, d'aller faire un tour au myspace.com/ Post Didi. DD, les lettres DD. D-I-D-D-Y. D-I-D-D-Y. Ah, comme Diddy Kong dans Donkey Kong. Exactement. Eh, wow! Donc, je vais aller écouter ça tout de suite. Attention, j'y vais, là. Ou si vous pouvez aller faire un tour directement sur leur site, là, c'est postdatamusic.com. Mais c'est plate parce qu'il n'y a pas Diddy dedans. Exactement, c'est moins drôle à dire. There's no Diddy in it. Bon, donc de quoi est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va entendre? Il va y avoir plusieurs groupes aujourd'hui dont je vais vous parler. Il y avait vraiment une tonne de nouveautés CD aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de métal, je dirais. Beaucoup d'albums métal, on en entendra pas. C'est pas notre créneau. On en parlera pas vraiment, non, c'est ça. C'est pas le type de musique qui retient mon attention généralement, mais aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de musique électro, en fait. Généralement, j'aime beaucoup le rock, le indie rock, mais aujourd'hui, vraiment de très, très bons albums électro. Donc, ça va être la chronique d'aujourd'hui va être pas mal teintée d'électro, je dirais. On va commencer même tout de suite avec un groupe dont on a pas mal parlé dans les dernières semaines parce que ça fait presque un mois, en fait, qu'on a reçu l'album. C'est le groupe de Toronto, Woodhands. Donc, on va simplement écouter la pièce Pockets qu'on fait jouer régulièrement parce qu'on l'aime beaucoup. Donc voilà, l'album Remorse Capade de Woodhands est disponible à partir d'aujourd'hui et on écoute la pièce Pockets à Assemblage Requis. ton char. 89-1-1-1. Écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. Toujours Assemblage requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est toujours en train d'écouter des nouveautés musicales, des disques qui viennent de sortir avec Kiwan. Oui, avant la pause, on a entendu Woodhands avec leur album Remorse que Paid, l'excellente pièce Pocket, qu'on joue assez régulièrement parce que c'est vraiment très très bon. Hot Pocket! Donc voilà, pas tant de nouveaux trucs à dire sur Woodhands, à part que c'est ça, c'est un groupe de Toronto qu'on connaît depuis déjà plusieurs années. Ici, c'est leur deuxième album complet et on les aime beaucoup. Beaucoup. Donc maintenant, on va continuer avec un autre groupe qu'on connaît quand même assez bien ici, en tout cas que toi, t'aimes beaucoup. Oui. Et depuis que je suis arrivé ici à la station, assez fou, ça fait un petit peu plus que 3 ans. C'est leur troisième album qui sort, donc ils sont assez productifs. C'est le groupe Los Campesinos. Maxime nous en a parlé aussi hier dans sa chronique Télécharge quoi. Il nous parlait du nouvel album Romance is Boring. Et tu demandais justement hier pendant la chronique de Maxime, tu te demandais qu'est-ce que ça voulait dire Los Campesinos. Ouais, t'es allé faire tes recherches, toi. Ça veut dire les paysans. Ah, les paysans. Voilà. Moi, j'aurais pensé Los Paisanos si j'avais eu à le dire en espagnol. Non, tu vois, ça se dit Los Campesinos. C'est le groupe, en fait, c'est dans le nom du groupe, il y a vraiment un point d'exclamation. Donc, ouais, ouais. Faudrait toujours dire Los Campesinos. Toujours. Campesinos. Exactement. Ouais. Un peu comme Assemblage requis 2. Qui voit le Mathieu 2 points, Assemblage requis. On dit pas assez souvent 2 points. C'est vrai qu'on néglige trop souvent les 2 points. Donc, Los Campesinos qui viennent des Pays de Galles, c'est aussi ce que Maxime nous apprenait hier. Maxime nous apprenait que ça n'avait pas c'était quoi, les Pays de Galles, par exemple. Oui, c'est ça qui est en fait une partie du Royaume-Uni. Oui. Et aussi, tu as souvent déjà remarqué hein, que Los Campesinos, le chanteur, a un accent un peu particulier. Mm-hmm. Mais moi, je pensais que c'était simplement tu sais, l'accent anglais, mais qui était un peu plus prononcé. Mais apparemment, ce serait l'accent du Pays de Galles. Ah, d'accord. Qui est un petit peu. Tu sais, c'est l'accent anglais, c'est un peu la même chose, mais comme un petit peu plus campagnard. À l'oreille des Anglais, apparemment, c'est très audible. Faut dire que Kiwan, ici, à la radio, est en train de faire des signes, comme quand un chef fait de la pizza, puis il fait comme OK, that's a fine pizza. Je suis très gestuel, en fait. Il fait des signes avec les En gens. Général, dans la vie, hein, je fais toujours des. C'est comme un mime, finalement. Je fais des signes de moustache aussi. Des signes de moustache. Wow! C'est une touche. De toute beauté. Pas littéralement. Donc, non. Je touche assez rarement. Oui. Donc, cet album-là, Romance is Boring, de Los Campesinos, sort, en fait, depuis leur tout début, en fait, depuis leur premier album, tous leurs albums qui sortent en Amérique du Nord, donc au Canada, sont distribués et produits par Arts and Crafts. Donc, celle-là aussi. Et Los Campesinos sont vraiment très productifs hein, parce qu'ils existent seulement depuis 2006. Donc, c'est un groupe quand même assez jeune. Et c'est leur troisième album complet, leur troisième album long. Il faut dire qu'ils en ont sorti 2 seulement dans l'année 2008. Ils ont aussi, à travers ça, sorti 2 EP. Donc, vraiment très productifs. Ils ont une tournée qui commence très bientôt, qui commence dans leur coin. Ils vont faire leur tour de l'Europe. Ils vont s'en venir en Amérique du Nord un petit peu plus tard au printemps. Pas de date, malheureusement, d'annoncer à Montréal. Il y en a une à Toronto et à New York. Et c'est comme les 2 options pour nous à date, si on veut aller voir Los Campesinos. Mais je suis sûr qu'il y a encore du temps en masse parce que c'est au mois de mars-avril dans ce coin-là. Donc, c'est sûr qu'ils ont le temps encore de booker à Montréal. Donc, nous, on va aller écouter la pièce This is a Flag, There is No Wind. Et peut-être juste j'ai pas écouté attentivement encore. Puis déjà, à chaque fois que j'écoute l'album, mon opinion varie un petit peu. Au début, je trouvais que l'album était un petit peu plus rock, un peu moins mélodique, un peu moins lumineux. Tu sais, Los Campesinos sont toujours des espèces des mélodies super joyeuses, des harmonies vocales aussi, presque des chorales quand ils chantent. Faut dire qu'ils sont 7 dans le groupe. Et je trouvais qu'il y avait un petit peu moins ce côté-là sur cet album-là. Je le trouvais un petit peu plus rock, un petit peu plus sombre, mais on dirait qu'à chaque fois que je le réécoute, je vois un petit peu plus de lumière et de joie. Puis finalement, je pense que l'album est pas si différent. En fait, je pense que c'est très fidèle à ce qu'ils sont habitués de faire. Donc, on écoute tout de suite la pièce This is a Flag, There is No Wind de Los Campesinos. Campesinos! Avec un point d'exclamation. Ah, son belge requis! On a appris hier que ta moustache te rendait heureux. Donc là, c'est Los Campesinos et ta moustache qui se font comme un genre de combat pour te rendre heureux. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme deux arcs-en-ciel qui s'affrontent dans le ciel. Comme des licornes. Comme dans les Kalinours. Ah oui. Thank you. Non, je vois pas les petits minous avec une balle. Ok, aussi, ben ouais, ouais, non, attends, je vais te l'expliquer dans quelques minutes. Des minous? Des minous? Ouais, j'aurais pas dû dire ça, j'ai vraiment de toucher. Mais c'est maintenant que je les vois, les minous. Mathieu et les minous. On vient d'entendre Las Campesinas avec la pièce « There is a flag ». Ils sont durs, leurs titres de chansons. Hein. « This is a flag, there is no wind », c'est ça? Mais ça, c'est... Oui, ben exactement. « This is a flag, there is no wind ». Mais il y a plein d'autres titres de chansons super longs et c'est leur habitude, leur coutume, leur accoutumance. Tu as en nommé quelques-uns? Ben, j'aimerais ça. « I just sighed, just so you know ». Il y a aussi « A he trash in the shape of the show me state or letters from me to Charlotte ». Et aussi « The sea is a good place to think of the future ». Hein? Ils sont très, ouais, très originaux dans leur titre de pièce. C'est ce qu'on aime chez eux. Aha. Entre autres. Donc voilà pour Los Campesinos. C'est distribué partout, étant donné qu'il s'est sorti sous Arts and Crafts. Maintenant, on va aller écouter un autre groupe dont Maxime nous a parlé hier. C'est ça le désavantage de l'avoir le lundi. Hein? Ça brûle toutes les punches. Avant, il était le jeudi, ça fonctionnait tellement bien de même. Les choses étaient donc belles dans le passé, pas si lointain. Mais c'est lui, dans le fond, qui devait se faire toujours couper l'herbe sous le pied par moi. Donc finalement, il s'est dit, je vais aller le lundi. Dans ta face! Donc, Beach House, Maxime nous parlait de leur nouvel album Teen Dream qui sort aujourd'hui. Et là, c'est ça, il sort en fait aujourd'hui. En tout cas, je me rappelle plus de quel album on parlait hier, qui avait comme deux dates de sortie, mais souvent, étant donné que c'est pas la même journée, ici, les albums, en Amérique du Nord, les albums sortent toujours le mardi et en Europe le lundi. Donc, soit qu'il y a une journée ou six jours de différence entre les deux dates de sortie d'album. Mais bref, peu importe, Beach House, ça sort aujourd'hui ici au Canada. L'album Teen Dream et Beach House font aussi partie d'une compilation en fait qui est faite par leur compagnie disque, la compagnie Sub Pop, qui font une compilation qui s'appelle Sub Pop Cyber Digital Sampler 2010. Wow. Et il me semble qu'il manque un mot, mais il est comme censuré dans le titre sur leur. C'est quoi? C'est Cyber Sex, je pense. Sub Pop Cyber Sex Digital Sampler, je sais pas trop. Bref, c'est donc une compilation qui regroupe plusieurs artistes de la compagnie Sub Pop, dont entre autres Beach House et aussi Handsome Furs et plein d'autres bons artistes qu'on connaît. Beach House, leur album s'appelle Teen Dream exactement. C'est du électro, mais assez relax, c'est assez tranquille. Ça ressemble, en fait, si je pouvais trouver des groupes que tu connais, Mathieu, Bon Iver, peut-être, tu connais, ça ressemble un peu, Atlas Sound, ça ressemble pas mal à ça. Le seul petit côté, c'est pas tant négatif, mais un petit côté qui m'agace à cet album-là, c'est qu'il y a comme toujours une espèce d'intensité dans les pièces qui on dirait qu'il vient jamais à bout. On dirait que moi en tout cas, je sais pas, c'est peut-être vraiment un trouble mental que j'ai, mais on dirait que j'attends toujours quelque chose. C'est comme un cut interrompu, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est ça. Il y a tout le temps une espèce d'intensité dramatique dans les pièces, puis on a l'impression que ça va grossir, puis ça va aboutir à quelque chose. Un climax. Exactement, mais il y a pas toujours de climax dans la pièce. Des fois, les pièces peuvent même souvent être assez longues, puis on dirait qu'il y a comme jamais eu l'aboutissement de la pièce. Moi, on dirait que ça me trouble un peu, des fois ça me dérange, mais il y a quand même des pièces excellentes comme il y a vraiment plusieurs très bonnes pièces. Ça reste un très bon album là. Je pense que cet album là de Beach House risque de se trouver dans plusieurs top 50 ou top je ne sais trop de l'année 2010, même si on est en tout début d'année. Je pense que cet album là va rouler beaucoup tout au cours de l'année 2010. Et on va écouter ma pièce préférée en fait de l'album, Norway. C'est une pièce où la vapeur sort un peu dans cette pièce-là. Il y a plusieurs variations d'intensité. Ça reste pas pris en dedans. Ça sort par les oreilles. Exact. Donc c'est Norway de Beach House à Assemblage Rocky. vraiment une pièce incroyable, Norway de Beach House. Et je ne sais pas si tu as remarqué l'espèce de son qui ressemble un peu à du lap steel sur une guitare. Je ne sais pas si c'est vraiment fait sur une guitare, mais qui fait comme une espèce de son désaccordé. Ouais, ça fait vraiment partie des choses que j'apprécie beaucoup dans la musique de Beach House. Donc, si vous voulez télécharger la compilation de Sub Pop sur laquelle Beach House se retrouve, en fait, je vous en parle surtout parce que ça vaut la peine d'aller voir le site internet où vous pouvez le télécharger. C'est le www.subpop.com/cybersex. Et là, vous allez arriver sur la page où vous pouvez télécharger la compilation. C'est un point avec ça, mais ce n'est pas un virus, qu'ils disent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très, très old school. Là. C'est un hommage aux années 90, on dirait. Les gifs animés, surtout. C'est, selon certains, dont entre autres sur le blog de Élodie Gagnon de Bande à part, décrivait le site comme le plus laid au monde. Non! Mais toi, Mathieu, ma nouvelle page d'accueil. Comme le plus beau au monde, c'est ça. Alors, il y a un chat qui joue avec une boule de laine en fond d'écran. Il y a un petit un Père Noël qui fait de la balançoire avec un lutin. Il y a une souris qui mange du fromage. Il y a un squelette qui saute sur un ballon. C'est vraiment très drôle. Puis un petit disque qui tourne, c'est beau. C'est de toute beauté. Ouais. Donc voilà pour Beach House. Oui, alors, en passant, on a eu un appel d'une auditrice qui est absolument sympathique, vraiment géniale, qui nous disait « J'adore Beach House ». Là, je disais, Kiwan disait « Reste là parce que dans 5 minutes, il va y avoir d'autres bonnes musiques ». Fait que là, elle dit « Je peux pas acheter l'épicerie ». Je dis « Ben, lâche ton épicerie puis il va écouter la radio, Donc la morale de cette histoire, c'est arrêtez de vous alimenter et écouter Assemblage Rock. Faites la grève de la faim s'il faut. Il ne faut pas rater Kiwan et Mathieu. Jamais. C'est bon. Bon. Donc, peut-être que toutes les épiceries de Trois-Rivières vont se vider entre 15 et 17 heures. Ouais. Ou peut-être qu'on rêve, là aussi. Peut-être un peu. Donc, prochain groupe et le dernier, en fait, dont je veux vous parler, c'est le groupe Fortet. Et si jamais vous faites... Fortet. Si jamais vous faites une recherche sur Internet, ne confondez pas avec Fortet, parce que vous avez peut-être trouvé... d'autres choses. Donc, c'est 4 comme 4 et T-E-T. Ouais. Et donc, c'est ça, cet album-là, c'est leur cinquième album complet. En fait, Fortet, c'est le... tu vas rire à chaque fois que je vais dire ça. Fortet! C'est le projet solo d'un gars qui était le leader du groupe Fridge. Est-ce que tu connais Fridge? Non. Je connais Congelator. C'est pas un groupe très très connu, c'est un groupe anglais qui fait vraiment dans le grunge, dans le post-rock. Et le grunge, c'est un groupe assez vieux qui a surtout connu ses meilleures années, je dirais, à la fin des années 90, donc une dizaine d'années. Mais le groupe existe encore, font encore quelques trucs. Il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quand même longtemps donc que le projet parallèle Fortet existe. Et c'est leur cinquième album complet. L'album s'appelle « There is Love in You ». C'est un peu dans le même style que Beach House. C'est une espèce d'électro, une musique électronique ambiante qui est fait plus de loop, je dirais, contrairement à Beach House où on a vraiment plus une mélodie avec des variations, ça suit tout le long, c'est plus comme une trame. La musique de Fortet est plus faite de boucles, mais quand même, au travers de tout ça, il y a des variations d'intensité qui marquent le temps, qui fait qu'on n'a pas l'impression là, d'écouter les mêmes 3 secondes tout le temps. Quand je parle de boucle, faire attention, là, c'est pas hyper répétitif. Il y a quand même vraiment plusieurs variations. Il y a quand même du relief dans la musique, mais c'est pas trop chargé non plus. Et c'est ce que j'apprécie de cette musique-là, parce que souvent, quand on tombe dans l'électro, c'est souvent ça le danger, c'est qu'à un moment donné, la musique devient tellement chargée qu'on a de la misère à tout entendre, à tout saisir. Puis c'est, en même temps, c'est aussi un côté que plusieurs personnes apprécie de cette musique-là. C'est vraiment la superposition d'un maximum de sons, mais couches. Ici, on a pas trop de couches, mais quand même un bon relief au niveau de la musique. On commence pas à parler du contenu des couches, là, parce non, que là, c'est ça. On s'emporte là. Donc, on va. Puis en plus, cet album-là, There is Love in You, est quand même, je crois, j'ai pas écouté ce qu'il avait fait avant, parce qu'en fait, j'ai découvert, moi, le groupe avec cet album-là, There is Love in You. Donc, j'ai pas écouté en profondeur tout ce qu'ils ont fait avant, mais j'ai l'impression que c'est quand même leur album le plus mélodique comparé aux quelques trucs que j'ai entendus dans les années précédentes. Donc, on va écouter la pièce Circling du groupe Fortet. C'est un bon tas dans la couche. C'est toujours assemblage requis. Pognez-vous et tétine en même temps. En écoutant du Fortet, on se pogne les tétines. Ah, c'est vulgaire, Mathieu. Nous, les des gars avec... C'est pas vulgaire. Je pense que c'était déplacé. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que tu disais que c'était pas répétitif? C'est ça, tu sais? Que c'était répétitif? Ben, c'est quand même, oui, c'est répétitif. Là. C'est la musique qui est faite avec des boucles, la répétition des mêmes parties. Là. Sauf que si tu avais écouté la musique, ben, tu aurais remarqué qu'il y a vraiment plusieurs variations d'intensité. Oui. Ça augmente, ça diminue. Donc, voilà, c'est ça. Je te niaisais. Bon. Je le sais. C'est ce qui termine la première heure d'Assemblage Requis aujourd'hui. Il y en a une deuxième tantôt avec la présence d'Émilie Gauthier qui va venir nous parler plein air un peu. Elle va parler de la patinoire de l'OGE, des nuits polaires, de sentiers de patinage, tout ça vers dans à peu près une demi-heure, je dirais. Il reste encore plein de bonne musique aussi. Ben, crime, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on ferait? Hein? Et bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, et on va s'en aller en musique tout de suite avant d'accueillir Émilie Gauthier. C'est dans environ 20 minutes, dans une vingtaine de minutes. Mais pour tout de suite, on écoute La Pâte à Rose et l'indice avec la pièce sur ton cœur aujourd'hui à Assemblage Requis. Oh, que oui! Oh, ton cœur aujourd'hui. Le mien! Le tien! Outrage! tu me transportes, il me déporte, il me transporte. Planté là, les yeux gros comme des deux pierres, je suis la risque de faire une crise. Et je plonge la tête, la première, je suis une éponge. L'éponge de la pâte à rose à assemblage requis au 89 FM. Mathieu, tu vas nous parler un peu des prestations musicales qui ont lieu au cours de la semaine, ce qui reste de la semaine, en fait, dans les émissions de fin de soirée. Ouais, je sais que toi, t'es un oiseau de nuit. Ouais. Ben moi, en fait, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas. En tant que homme de métier de nuit, des fois, non? Non, moi, c'est le contraire. En fait, je suis un homme de matin, je dirais. Mais, ah. Pour certains, c'est la nuit. Il y a comme une période où la nuit et le jour se confondent. Là, c'est mais, pas trop. Là. Non, mais c'est nouveau, en fait, pour moi, parce que j'ai changé d'horaire tout récemment. Donc, c'est nouveau que je peux écouter la télé de fin de soirée. Là. J'ai commencé récemment à écouter la télé, point, là, parce que avant, depuis des années, étant donné que je me levais à 3h du matin, j'ai pas pu écouter la télé. Et là, donc, ça devient pertinent que tu puisses me parler de tout ça. Parce que je vais vraiment pouvoir l'écouter cette semaine. Je vais pouvoir écouter tes suggestions, là, pour vrai. Je sais que toi, t'es du genre Snoop Dogg, tu sais. Vraiment. Doggy Dogg, Dog Snoopy Dogg, Dog Shubidoo. J'ai tous ces films chez nous. Ouais? C'est pas vrai. OK. Donc, il est à Carson Daly ce soir. C'est une reprise, mais quand même, si tu veux voir Snoop Dogg faire des whoop, chigilo, chigilo, willy, willy, boo, bling, bling, shabada. Mm-hmm. C'est ce soir que ça se passe, Carson Daly sur NBC. Sinon, demain, Cold War Kids, aussi à Carson Daly, qui est très à l'avant-garde des groupes musicaux. C'est encore une fois une reprise. On est pas mal en mode reprise de ces temps-ci dans les talk-shows américains. Jeudi, à David Letterman, la formation punk, genre Hot Rats. Tu parlais que tu as vu une performance de Ringo Starr récemment dans un autre talk-show. Il va être à Jimmy Fallon, encore une fois, rediffusion ce jeudi. Ouais, je te dirais que c'était pas... T'sais, déjà, moi, je suis pas un très grand fan là, de ce que Ringo Starr fait seul. En solo. Mais en plus, là, en live, je te dirais que c'était un petit peu dur à supporter. T'as pas taffé longtemps? Non. Bon. Effectivement. Essayer de relever le défi, battre le record de soutenabilité, si on veut. Jimmy Fallon, ça c'est aussi sur NBC, minuit 35, jeudi soir. Puis vendredi, on termine la semaine sur une note un petit peu plus alternative, plus c'est fou. À David Letterman, il y aura Julian Casablancas. Chanteur de Strokes. Exactement. Et à Carson Daly, encore une fois, c'est à 1h35 le matin sur NBC, vendredi soir. Phoenix, ça va être très bon ça. J'ai envie d'aller écouter deux de ces artistes-là. En fait, les deux qu'on vient de mentionner du vendredi, parce que c'est très, très bon, ça. Julien et Phoenix. Julien. Juju. Juju. Juju. On va commencer avec Phoenix. On va écouter une pièce de leur album Wolfgang Amadeus Phoenix. C'est bien ça. Voici Too Young. Assemble à tout qui. Au 89.1 FM. Restez avec nous jusqu'à 17h au moins. Juju. Smile. disons-le tous en cœur, maudit MySpace. Bon, c'est sûr que c'est pas fait pour diffuser à la radio, mais quand même, ça nous permet d'avoir entendu Julian Casablancas à l'instant avec la pièce River of Brake Lights. Et c'était très bon. Oui. Oui, deux invités qui vont être dans les talk shows américains. C'est pour ça qu'on en a passé un petit peu. Oui, ça, on avait entendu le groupe Phoenix juste avant. Cet assemblage requis, émission du retour en pièces détachées qui se continue et se poursuit et n'arrête plus jusqu'à 17h, heure de l'Est. Oui, dans quelques minutes, on va recevoir Émilie Gauthier pour parler de plein air. Mais juste avant ça, est-ce que tu avais quelque chose pour nous? Moi, je pense que ce serait le moment d'aller acheter des choses ou au moins en entendre parler. Ah! Qu'est-ce que tu en penses? On va faire ça. OK, ben restez avec nous. Assemblage requis. Ah. C'est fou, 89 ans. Le bon Michel dans tout ça! Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours Assemblage Rocky, l'émission qui se dénude pour seulement mieux pouvoir se rallier. Pourquoi tu parles d'un duté, là? Je comprends pas le lien. Ça rapporte. C'est une discussion en ronde que personne ne veut savoir, mais c'est tellement intéressant. En même temps, tu te dis comme moi, je me sens comme si j'étais ami avec eux autres. T'sais. Ah. Mais vu qu'on l'expliquera pas, ça n'a pas vraiment de sens. Voici donc Émilie Gauthier et sa chronique sur le plein air. Veux-tu sortir avec moi? Moi, j'aime ça, amener les gens dans notre bulle en leur parlant de choses, mais ensuite en leur disant pas pourquoi j'en parle. Ils sont dans leur auto, ils sont comme, pourquoi il a pas dit c'était quoi, puis là, ils dormiront pas ça. Mais ils veulent savoir, donc ils vont rester à l'écoute en pensant que peut-être qu'on va leur raconter l'histoire. Ils sont naïfs quand même, hein? Vraiment, hein? Mm-hmm. Pas fiers d'eux autres. Donc, on parle de plein air avec Émilie Gauthier, bonjour. Ben, allô. Tu vas bien? Ben, ça va bien, vous autres. Oui. Je pense que Mère Nature se sent mal de nous avoir donné une bouette hier. Elle fait tomber de la belle neige aujourd'hui. Ah, ben raison. Fait qu'on va pouvoir quand même faire de la raquette, même s'il y avait de la belle pluie qui est tombée hier. Mm. Je sais pas combien de millimètres, mais c'était pas très joli hier. Ouais, ça, en même temps, ça va avoir comme scrappé le fond pour un bout de temps quand même. Ça va prendre pas mal de neige, je pense, pour avant que ça de refaire un coussin de neige par-dessus ça. Un coussinet. Comme une croûte désagréable. Quand même, parce que le chemin que je prends pour m'en venir, il y avait souvent des plaques de glace par-dessus de la neige. Puis là, c'est juste rendu de la neige molle. Il n'y a plus de glace. Fait okay. Que pour faire du ski, il n'y aura peut-être plus de plaques de glace avant un petit bout, par exemple. On ben, verra bien. Tant mieux. Ben, c'est ça. On ben, verra. Ça nous amène justement au premier sujet qui est quand même intéressant pour ceux qui ont besoin de sortir, bouger un peu. De bouger les pieds, surtout. Oui. Mais là, j'ai reçu un message sur le portail étudiant. À propos de la patinoire, je sais que ça doit faire comme trois fois que j'en parle, mais ouais. Là, je dis information, là, c'est ouvert de tous les jours de 9h à 21h, donc 12 heures de temps. Puis c'est gratuit, c'est situé juste derrière le CAPS. Fait que là, c'est les informations officielles. Donc là, les gens que leur défaite était « Ouais, mais c'est tellement loin de chez nous, mais c'est tellement loin, tu sais. » Ils disent « Non, c'est de chaque côté. » C'est en arrière du CAPS, ça, puis c'est gratuit. Pour tout le monde. Là, il n'y a plus d'excuse non plus de « Ah, c'est cher, là! » Non, non. OK, c'est gratuit pour tout le monde, pas juste pour les étudiants. Ouais. Ah, cool. Cool! Tu te présentes là, pas besoin de carte étudiante, tu fais juste arriver, tu mets tes patins, puis tu fais patiner. T'as même pas de mot de passe à donner ou de poignée de main secrète à rien? Non, non, non. Cool. Donc ça, c'est la patinoire de l'AGE. Quelque chose qui se passe de très, très gros, vous avez sûrement entendu parler des nuits polaires. On va en parler en plus de détails. Oui, oui, ben j'en avais entendu parler en arrivant à Trois-Rivières. L'année passée, mais j'avais pas eu d'informations là-dessus. Puis là, j'ai vu des annonces à la télé, puis je suis allée sur le site Internet. Puis c'est ça, les nuits polaires, je pense que c'est un événement qui est à ne pas manquer, que ce soit pour les activités ou juste pour aller marcher en ville. Ça va être une grosse fin de semaine de festival. Ça va être chouette! C'est le logo, c'est une chouette. Hein. Ils l'ont déjà fait, eux autres aussi, jeu de mots, je pense. Mm-hmm. Oui, tu peux avoir des newsletters très chouettes avant tout le monde. Ben oui. Voilà. Des news chouetteurs. Je vais continuer, Mathieu. News chouetteurs. Ils devraient appeler ça de même, pour vrai. OK. Ouais. Tu leur écriras un petit message. Je vais leur écrire un... Fouimail. OK. Donc, les activités de la semaine. Kiwan, il parce que mon jeu de mots, tu sais, parce qu'Émilie est outrée. Hein. Non, j'ai vraiment aimé la façon dont elle a fait comme si t'avais rien dit. Fait qu'aujourd'hui, il fait beau, et puis... Oui. Donc, je continue, Mathieu. Oui, vas-y. OK. Les activités sont situées plus au centre-ville. C'est un peu partout dans la ville de Trois-Rivières, Parc Champlain et le Cantin. Parc Champlain? Non. Parc Champlain. Non. OK. C'est ça, jusqu'à l'île Saint-Quentin, à peu près. Dans le fond, je vais juste mettre un chou devant tous les mots, hein, quand je fais des jeux de mots avec ça. Oui. C'est pas très original, Mathieu. Donc, centre-ville, Parc Champlain. Oui, île Saint-Quentin. Il y a de quoi un peu partout. La programmation est sur le site Internet pour plus d'informations. Le chou, il y en a aussi au Parc Portuaire. C'est vraiment un peu partout, centre-ville, Trois-Rivières. L'événement se déroule du 29 au 31, soit vendredi, samedi, dimanche. Il y a plusieurs activités qui sont offertes. Vite comme ça, il y a vendredi soir, il y a... Ben, tous les soirs, à vrai dire. Il y a du patinage éclairé au flambeau à l'île Saint-Quentin. Il y a un feu d'artifice aussi vendredi qui va être projeté à 19h au Parc Portuaire. Et les trois accords vont se produire sur scène au Parc Champlain dès 19h pour le coût de 0$. 0$? C'est le fun, hein? C'est donné. Oui, c'est gratuit. Après ça, samedi après-midi, on peut faire de la voile sur glace à compter de 13h. Il y a une compétition de snowboard qui se déroule également pendant la journée au Parc Champlain. Il y a un deuxième spectacle qui va être offert sur la scène Cogeco à 20h au Parc Champlain. Hein, encore. C'est Radio Radio qui va être en performance au coût de 0$. Ils vont chanter dans un jacuzzi, je pense. Probablement. Personne qu'on nom? Tu connais pas leur pièce jacuzzi? Oui. Mais probablement oui, parce que sur le site, ils décrivaient comme récipiendaire d'un trophée, je me souviens plus. D'un prix. D'un prix, oui, tout à fait. Encore une fois, gratuit, ça? Oui, gratuit aussi. Bon. Il y a des spectacles qui sont payants dans des théâtres, mais là, j'imagine que c'est pour la location, mais c'est plus des spectacles de théâtre. La programmation est toute sur le site nupolaire.ca/programmation, s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations. Dimanche, il y a une compétition de free-ski au Parc Champlain dès 9h et se termine vers 17-18h. L'après-midi, il y a un navire de la garde côtière canadienne qui va être ouvert au public pour la visite. Ah ouais! Ça, c'est très intéressant. Ouais. Mais probablement, oui. Moi, je serais très curieuse d'aller voir où ça a de l'air. Tu y iras! Ben, chérie. Ouais. Voilà, l'année passée, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille à personne de faire. En fait, je déconseille à tout le monde de faire ce que je veux dire là. Mais l'année passée, en sortant d'un bar tard la nuit, mon ami et moi, on s'en retournait chez nous en passant par le port. Et puis, il y avait le bateau de la garde côtière qui était là. Donc, puis, il y avait la passerelle là, qui est sur le quai pour pouvoir monter. Donc, on est monté comme ça au milieu de la nuit. Puis, il y a quand même un gardien qui est là et qui dit « Ah, excusez, vous pouvez pas rentrer. » Mais ça nous a quand même permis de jaser avec lui quand même longtemps. Puis, il nous a invités le lendemain à aller faire une visite du bateau. Et est-ce que vous êtes allé? Ben oui. Ben oui. Puis, mais en même temps, il y a toujours des journées comme ça. Là. C'est pas exceptionnel. Il y a toujours des journées dans l'année où toute la population est invitée à y aller. Là. C'était pas à cause de vos belles moustaches là, que vous avez eu le privilège d'y aller? Non, vraiment pas. Mais c'est vraiment impressionnant là, aller visiter les bateaux de la garde côtière. Je vous le conseille, ça. Mais voilà. Pendant les heures d'ouverture. Oui, c'est bien. Donc, comme Kiwan nous dit, on en profite. Mais je sais pas, ça doit être comme 3-4 fois par année. Mais ouais, c'est ça. Tant qu'à être au festival, on en profite pour aller faire la visite. Puis comme tous les jours de l'événement, il y a des stands de dégustation qui vont être sur place de 11h à 17h au Parc Champlain pour les gourmands comme Mathieu. Voilà. Voilà, il faut attirer tout le monde en dehors. Il faut trouver des façons d'attirer tout le monde dehors. C'est la seule, en fait, pour moi. Puis des petites activités prévues pour la journée de dimanche, le 31. Il y a du baby-foot géant, du kart... Attends, mais là, du baby-foot géant. C'est comme du foot, finalement, non? Je sais pas. Non? Bon point, quand même, Kiwan? Oui, c'est vrai. J'imagine, mais il y a du soccer des neiges aussi. Fait que je sais pas, ça va être quoi. C'est pas la même chose, les deux, non? Je sais non. pas. Non, il y a vraiment baby-foot des neiges, cartes à pédales, firmazou, glissade, jeux gonflables, labyrinthe, soccer des neiges, tour de calèche, tour de traîneau, trampoline bungee puis tyrolienne. Ah! Fait que soccer... La tyrolienne, c'est ça, hein? Oui. Exactement, Mathieu. C'est des cours de chant. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, c'est Mathieu qui les donne. C'est ça. Bonne chance avec ça. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un survol rapide des activités, comme je le rappelle, sur le site www.nupolaire.ca. Il y a toutes les informations, des heures. Très joli site aussi. Donc, juste pour le fait que c'est beau, il faut y aller. Oui, il est bien fait, le site. Puis, il y a la chouette en haut à gauche. Donc, oui. Juste pour toi, Mathieu. Est-ce que je pense que... j'espère que tu n'en as pas parlé. J'étais un petit peu déconcentré par les jeux de mots de Mathieu. Merci. Tu parlais des nuits en Quincy? Non. Quincy? Ouais, c'est comme un igloo. Ça, je trouve que c'est une des activités les plus intéressantes des nuits polaires pour les gens qui veulent s'initier au camping d'hiver. J'en parle à chaque année parce que je trouve ça vraiment chouette. Mais ça, là, c'était pas un jeu de mots, c'était juste le mot chouette. Là. Mais j'en fais ça, j'en fais souvent des nuitées dans les Kunzi. Et puis le festival des Nuits Polaires vous offre l'initiation finalement au Kunzi. C'est ça, c'est juste un igloo. En fait, c'est une sorte de. Une technique pour faire un igloo, là, un Kunzi. C'est. Tu fais un tas de neige, puis tu fais un trou dedans. En dessous, ouais. Puis c'est ça, donc pour la nuit du vendredi, ça coûte 35$. Il faut réserver par contre, donc aller sur le site internet pour réserver, ça coûte 35$ par personne pour passer la nuit dans un Kunzi avec un feu, puis le déjeuner est servi même. Ouf! Wow! Les places sont limitées, donc faites vite. Mais c'est vraiment très cool, ça. On rappelle donc les dates des Nuits Polaires, c'est du 29 au 31 janvier. C'est aussi sur nuitspolaires.ca qu'on peut en savoir plus. Parlons de sentiers de patinage maintenant, Émilie, dans ta chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Copyright 2010. Yeah. Je me promenais dans le corridor de l'école, puis après le prof d'un bureau, après la porte d'un bureau d'un prof, il y avait un petit dépliant. C'est la ferme métier à Saint-Étienne-des-Grès. L'annonce, ça faisait promotion d'un endroit unique pour les gens actifs en proposant 17 hectares de terrain pour faire du patin à glace, pour se promener dans des sentiers de raquettes, puis aussi pour que les enfants s'amusent, il y a des heures de jeu. On offre aussi une salle confortable pour se réchauffer et dîner. C'est un petit site à la campagne situé à 15-20 minutes de Trois-Rivières. C'est ouvert du jeudi au dimanche. De 10h à 16h, puis le tarif est de 10$ par adulte. D'accord. Si les gens veulent se rappeler des informations, elles sont sur assemblagerequis.com en cliquant sur l'article de veux-tu savoir, de veux-tu sortir avec moi? Oui, les infos sont là. Oui, voilà. C'est ça. Et on termine avec un bout que j'aime beaucoup, moi. À chaque quelques semaines, tu m'amènes un petit conseil de vendeur dans un magasin de plein air qu'on n'aimera pas. Ouais, je me suis dit, il faudrait que je conclue ma chronique juste pour Mathieu. Ouais. Je sais que t'aimes bien ça, les petits conseils de... Si tu pouvais insérer le mot « chouette » à quelque part là-dedans dans un jeu de mots, ça me ferait encore plus plaisir. OK, ben faut s'assurer que votre équipement est adéquat et en bon état et qu'il est très chouette pour aller dehors. Non, ça passe pas. Ça passe pas. T'es pas chouette, Mathieu. Faut être juge un peu des fois. Faut mettre la barre un petit peu plus haute que ça. Okay. C'est limbo. Hey, limbo, attaque! OK, bon, ben... attends une minute, je vais te le plugger plus loin. Je vais te le plugger. Fait que c'est ça, il faut vraiment s'assurer que son équipement est adéquat et en bon état avant de partir. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur équipement dans l'auto et qui partent sans même vérifier si l'équipement est en état. Donc, faut se renseigner sur le type de terrain qu'on s'en va faire. Si on s'en va dans une grosse côte puis nos raquettes, ben c'est des raquettes en babiche, ben on n'ira pas vraiment loin. On est mieux d'aller chercher une raquette qui a une traction plus élevée. Donc, s'informer si on a le bon équipement pour l'activité qu'on s'en va faire. Puis deux, vérifier si notre équipement est en état. Est-ce que nos patins sont bien affûtés? Est-ce que nos skis sont bien fartés? Est-ce que nos... Ah, mais moi, je sais jamais quand faire aiguiser des patins. Faut-tu faire ça souvent? Est-ce que vous savez ou non? Ben, ça dépend. Ça dépend quelle fréquence que t'en fais. Là, début de l'année, on en fait un. Si tu patines une fois ou deux semaines, ben... Dans le fond, tu le vois, toi, quand tu patines. Si tu vois que tu glisses et ça ne mord pas, ben okay. Là, tu sais que... Je devrais en pas être un patineur assez régulier pour voir la différence. Il y a un truc avec l'ongle que je sais pas trop, qu'on passe la lame sur l'ongle. Puis là, je pense qu'il faut que ça fasse une petite marque, mais je suis pas certaine du truc. Là. Sûrement que ça doit se trouver sur Internet, là, mais... Ouais. Faut juste vérifier, dans le fond, que souvent, tu sais, s'il est plein de rouille, c'est juste d'aller le faire nettoyer comme il faut ou... Si ça fait 5 ans qu'elle est dans le garde-robe et qu'elle bouge pas la paire de patins, c'est une idée d'aller... C'est plus le genre de mes patins, ça, passer plusieurs années dans le garde-robe. Fait que, dans le fond, c'est juste deux petits conseils. L'état, puis est-ce que c'est le bon équipement. Puis c'est deux petites choses qui peuvent rendre votre journée tellement plus agréable et chouette. Toujours pas un jeu de mots. Ah, ben là... C'est juste le mot chouette que t'as dit. T'sais, c'est pas un jeu de mots, là. T'es trop exigeant, Mathieu. Chouette exigeant! Jeu de mots. je fais des fous jeux de mots n'importe où. Tu sais. Je triche un peu. Tu triches. Bon, ok, c'est bon. Je termine et je quitte. Au revoir. Bye. On n'a pas entendu du tout la porte claquer. Là, fait que c'est un petit peu. Oh, wow! Hey, ça, c'était de l'effet sonore. Ouais. Tu sais, vraiment des chouettes effets sonores. Ok. Merci, Émilie Gauthier. Ben, ça fait plaisir. Je reviendrai quand ton cerveau sera tourné à un état moins chouette, exigeant. Pas payer ça, là, par exemple. OK, merci. Ouais, tu sais, elle fait plein d'efforts pour faire des jeux de mots ridicules pour te plaire, puis tu dis pas pire, tu sais, quand même. Ben oui, mais je suis exigeant, moi, je dis bravo, vraiment. Là, je sais pas comment tu fais, Émilie, pour faire ça. C'était chouette extraordinaire. Non? Non, non, non. Non, OK. Merci encore une fois, Émilie. Au revoir. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Mardi. À mardi Sortez. Prochain. À mardi. Un jour, elle va arrêter de venir. C'est tout. On va se voir, Mathieu, en fin de semaine au Nuit Polaire, j'imagine. Bien, oui. Ben, si tu m'invites officiellement. Là. Oui, mais il y a des stands pour aller manger. Ah! Je pense. Mais je peux manger chez nous aussi, tu sais. Oui, mais il y a 10 ou 15 stands de dégustation. Il y a 10 ou 15 restaurants en ville. Ça te coûte rien. Ah. Dans tes dents, Mathieu Plante. On va écouter un groupe qui va être au Nuit Polaire, les Pendant. Trois accords. Tout de suite. Assemblage requis. C'est le bureau du médecin. Merci encore, Émilie. Je m'excuse, comme pour toujours. C'est comme une grosse excuse qui va servir pour le reste de la session. C'est pas parfait. Je le prends. Dis-moi que ça ne sera pas long, que ceux qui viennent ici restent pour un temps et puis partent à la maison. Je suis beau, que ma jaquette bleue fait ressortir mes yeux dans le bon sens du mot. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. J'ai une mot de Pat Laperrière, des Incorrigibles, qui sera demain en passant en studio. Il dit « chouetterais entendre une toune ». Chouetterais. C'était écœurant, tu sais. Ça valait la peine de couper une toune. Chouette. Ah, c'est vrai, c'est un très bon jeu de mots. Comme chouette. Mm-hmm. Fait que, jeu de mots avec chouette. Strawberries in the summertime. to keep their little heads from falling in the snow. And I turn around and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. T'as aimé ça? C'est très bon, ça. Tu connaissais pas? Ben, j'ai souvent entendu le nom, mais je suis pas un très grand connaisseur de Fleet Foxes. Ben, disons que ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti une pièce de ça. Je pense que j'ai entendu ça à un moment donné dans une capsule Blogothèque, une émission de concert pour emporter de la Blogothèque à la télé. Ça fait des années de ça. Comme, en tout cas, des années. Sûrement pas des années, parce que le groupe est pas suivi ça, je pense. C'était en 78. C'est ça, 78. Mais bref, j'avais comme oublié ça à un moment donné, puis j'en ai entendu récemment, puis je me suis dit, mais il faut ressortir ça, il faut rejouer ça, et puis cette pièce-là fit tellement avec l'hiver, White Winter Hymnal. C'est très, très bon, ça. Ah, on va en jouer plus souvent, je pense, du Fleet Foxes. C'est presque la fin de l'émission, mais il nous reste encore un petit peu de temps pour jaser de choses qui se passent, là, qui se trament, si on veut. Oui, l'émission est presque terminée, donc je vais faire ça vite. Tu sais, ça fait déjà deux semaines qu'on en parle, les nouveautés de l'ONF à la Maison de la Culture. C'est la dernière représentation ce soir. C'est le film Éloge du Chiac, deuxième partie. Mais si vous avez manqué la première partie, c'est pas grave, parce que c'était pas, ça faisait pas partie du programme de l'ONF de cette année. C'est comme la deuxième partie, mais la première partie de, je pense, quelques années. Là, 78 donc, encore. C'est comme, exactement, c'est comme juste, finalement, l'évolution là, de la situation. Édition 2.0. Ouais. Et donc, la représentation ce soir va se faire en présence de Marie Cadieux, la réalisatrice. Donc, vous pourrez lui adresser vos questions après la projection. Et le court-métrage d'animation qui va précéder le film, c'est « Vive le rose » de Bruce Hallcock. Donc ça, c'est pour ce soir à la Maison de la Culture, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, et c'est gratuit, c'est à 19h30. Et aussi, juste un petit rappel pour ceux qui sont bientôt finissants ou qui cherchent un emploi, même d'étudiants, n'oubliez pas, demain, c'est la journée de l'emploi ici à l'université, c'est au CAPS de l'UQTR. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est de 10h à 16h demain. Il y aura pas seulement le service de l'aide à l'emploi de l'université qui va être là. Si vous dites « Ah oui, j'ai déjà consulté, j'ai consulté régulièrement », mais il va aussi avoir d'autres organismes communautaires qui vont être là, dont entre autres le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie, et il va en avoir d'autres aussi. Et oui, c'est demain, donc mercredi, entre 10h et 16h au CAP. C'est tout ce que vous avez à retenir, c'est la journée carrière. Exactement. L'UQTR. Donc voilà pour ce qui se passe en ce moment. On va retourner en musique et on va revenir juste après pour parler encore un peu. Voici Orange Orange. Et la pièce « Je suis le héros ». Oui, al dente, excellent. C'est al dente. D'accord. Comme tu lances sur le plafond, ça colle parce que c'est bon. Tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je suis le héros. Je suis le héros. We'll be right back. que mettons, je parle viande hachée, mettons, tu sais, j'étais là, tu sais, viande hachée, tu te rappelles ça quand on a parlé de viande hachée? T'es écœurant, tu sais, genre. Mais en même temps, faut pas que ce soit trop important. Comme si les gens comprennent pas la viande hachée, là, je te dirais que c'est pas essentiel. C'est pas nécessaire à votre survie de savoir pourquoi qu'on parle de viande hachée. Donc, le mot de la fin sera viande hachée. Et voilà. Et nous, ben, on se retrouve demain parce que l'émission est terminée. Oui, on se retrouve demain à 15h avec demain les incorrigibles. Oui, les incorrigibles qui vont être ici avec nous. On va aussi avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre le mercredi? Simon Fitzbé avec Paul is Dead. Ça va être super bon, c'est dès 15h. D'ici là, ce soir, votre soirée est remplie d'une reprise de Chérie m'écoute-tu à 17h, de Rock Révélé à 19h et de Réanimation à 21h. Demain, évidemment, il y aura la pilule du lendemain, il y aura le dîner de con. Nous, à date, on est supposé être là pour les Palmarès c'est fou à 13h, donc soyez-y pour l'édition anglophone. C'est demain. Donc, on se retrouve demain, Mathieu Plante. Oui, viande à chien. Viande à chien. Ça se modifie, là, c'est viande à chien. Oui, mais viande à chien, c'est le gars de... C'est quoi, là, le film, là? Ben, la série de toutes, les pays d'en bas, en haut, troisième étage. Ça joue en reprise, ça, à l'après-midi à Radio-Canada. Ouais. Il dit viande à chien. Ouais. C'est bien drôle. On se quitte avec Polype et la pièce Funny. Bien drôle. Ça résume l'émission d'aujourd'hui. Hein? Très, très funny, hein? Bye, bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée. Viande à chien. J'ai passé. Viande à chien. Viande à chien. Ah, t'es tellement meilleur que moi. Oh.